Mixa Negra, j'adore ça. Ouais, c'est bon souvenir. Juanes, sur la console, salut la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Et je suis heureux de vous retrouver après 15 jours de vacances, heureux d'être là avec vous en ce 17 août. Bon anniversaire au Cap d'Agde, du côté du Cap d'Agde. Florian qui fête ses 50 ans aujourd'hui, qui nous écoute sur le net. Salut la famille du Cap d'Agde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Vous êtes peut-être en vacances, vous avez repris le job aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi parce que c'est bientôt la fin de l'après-midi. Hein. Appelez-nous si vous voulez nous raconter un petit peu vos vacances. Hein. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Allez-y. Vous pouvez vous lâcher sur le standard, n'hésitez pas. Et puis on aura la passerelle tout à l'heure au téléphone aux alentours de 17h. Ce sera Patricia, la responsable de la passerelle, la salle Fleury-les-Aubrais, qui va nous parler un peu des spectacles qui arrivent avec les nouvelles mesures pour le Covid. On en parlera dans quelques minutes avec Patricia aux alentours de ouais, allez, 17h. Et puis du son qui arrive, et ça on adore. On l'avait dit, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. On n'aura jamais le temps de tout faire. On n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Je veux d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de trucs comme Luca Toni ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test mais je connais pas la rue. Ma force de vous écouter, au PJ plaqué sa coupe. Et je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenue. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des petits, qu'on ferait une équipe et qu'on irait faire les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table, on est prêt pour se parler. Si je referais la même, s'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je meurs tôt dans 10 ans ou je vis jusqu'à 88? Je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tort. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferais moins d'efforts. J'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascinait. Avant de signer, ce qui est décidé, c'est que j'essaierai de les aider avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferais toujours partie de ceux qui aurait voulu faire ci, aurait voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table, on est prêt pour se parler. Bon l'été ça, 47 terres avec Souviens-toi on avait dit. After Job avec Francky l'après-midi. Ah ouais, Francky l'après-midi, puis la météo pour demain. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence. La météo. La météo demain, le 18 août, eh bien, le ciel sera couvert et nuageux avec quelques rayons de soleil. Au lever du jour, les températures 14 degrés. On va dépasser les 25, 26 degrés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième, du son qui arrive avec Julien Doré. Et ça, on adore sur l'arc-en-ciel avec Coco Kalim, le petit remix en direct Radio Arc-en-ciel. 16h40, 17h, la passerelle. Seront au téléphone avec nous pour parler des spectacles qui arrivent à Fleury-les-Aubrais. Ça se passe dans notre belle ville. Voici le beau gosse. Eh ouais, Julien Doré sur Radio Arc-en-ciel. Forcément des souvenirs cet été sur la plage de Hague par exemple, ou alors la plage en Vendée, tranquille, Julien Doré sur l'arc-en-ciel, le meilleur des souvenirs, et puis des remixes qui arrivent en force, Jackie Quartz qui a été repris par un grand DJ parisien, souvenez-vous, Mise au point, c'était en 1982-83 je crois, et bien revu et corrigé par un DJ parisien, voici Jackie Quartz 2020, Mise au point par les plus grands DJ de Paris, et ça on adore sur l'arc-en-ciel, écoutez, voici la Mise au point. Tu t'en vas comme tu crèmes. Je me connais par cœur. Parisiens qui sont mis au boulot, bah ouais, les DJ qui ont plus de boulot, bah justement ils font des bons remix comme ça. Jackie Quartz 2021, on va dire, hein, avec Mise au point, c'est sur la conciel, 16h48. Hein. After Job avec Francky l'après-midi. Et puis plein de tendresse dans ce monde de brut avec la belle Kelly Clarkson. Dans moins de 10 minutes, la passerelle sera avec nos téléphones. Voici Because of You. Bonne fin d'après-midi sur la radio couleur. Because of you. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti, em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em ges.gov.pt. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. After Job, avec Francky, l'après-midi. Camaro, je m'appelle Francky, je suis là jusqu'à 18h30, on est en direct 96.2 FM. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous revoir avec du son caliente qui arrive. Et puis, le meilleur des souvenirs d'Anakil. Non, rien de rien, une reprise reggae qu'on adore. Non, je ne regrette rien. Bonne fin d'après-midi, 16h56 sur la Star. Avec vous, qui êtes de l'autre côté de la radio, merci d'être aussi nombreux cet après-midi, ça me fait vraiment plaisir. Bonnes vacances à tous, et puis courage à vous, hein, si vous reprenez le job. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Voici Anakil sur Radio Arc-en-Ciel. Qu'on m'a fait, I have no regrets.

17h02 avec Kevin Kinvey, c'est la famille, ça vient, je t'emmène direction Lourie hein, pour Gaël qui nous écoute avec Mathéo sur le 96.2 FM. Salut la famille des Zinzins. Eh ouais, on est en direct. After Job avec Francky, l'après-midi. Ouais, c'est l'après-midi, puis direction la passerelle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Alors en direct, on va appeler la passerelle à Fleury-les-Aubrais, cette belle salle de spectacle. Que va-t-il se passer à la rentrée avec des nouvelles normes hein, d'hygiène, bien sûr. On appelle Patricia, qui est responsable de la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Direction la belle salle de la passerelle. Ça numérote, c'est parti. C'est la valise RTL. 20 000 euros, imagine. Si elle décroche, normalement, elle devrait décrocher. Décrocher, pardon. C'est le retour de vacances. Oui, allô. Bonjour, Patricia, tu vas bien? Oui, bonjour, ça va bien et toi? Ouais, Francky de Radio Arc-en-Ciel, on est en direct chez vous, à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Cette belle salle de spectacle qui tourne un petit peu au ralenti ou pas en ce moment, non? C'est plus calme, normalement? Alors, on tourne au ralenti, c'est-à-dire qu'on prépare notre réouverture de billetterie qui a été avancée de 2 semaines par rapport à d'habitude. Mmh. D'habitude, on ouvre la billetterie au moment du forum des associations. C'est vrai, ouais. Et donc, cette année, vous y êtes d'habitude. Et cette année, il y a un forum un peu particulier, je crois. Et donc, nous, on a décidé aussi, pour étaler la billetterie et les abonnements, de réouvrir le 24 août. Le 24 août, donc, c'est la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine. Donc, on travaille sur cette réouverture. Sur des horaires adaptés du 24 août au 5 septembre et on reprend nos horaires habituels à partir du 8 septembre. Alors, à cause du Covid, hein, à cause du Covid, des nouvelles normes d'hygiène, des restrictions peut-être de place, des distanciations à avoir, peut-être Patricia? Alors, pour l'instant, on travaille sur la billetterie. Les premiers spectacles a lieu le 4 septembre. C'est un spectacle qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas encore communiqué parce que c'est un spectacle un peu de lancement de saison qui sera offert au public. Mais on attend des nouvelles directives normalement pour l'accueil du public en salle de spectacle à partir du 24 août. D'accord. Donc pour l'instant, on travaille vraiment sur l'accueil au moment de la billetterie. Et puis, puis on est à l'affût de ce qui va se passer pour la suite et on va y travailler ultérieurement. Ouais. Comme beaucoup de personnes du spectacle en ce moment qui sont justement touchées par ce Covid, comme plein de gens sur la planète, il y aura peut-être certainement des jauges moins importantes que d'habitude, ça? Certainement, ouais. On attend. Pour l'instant, effectivement, on travaille sur des jauges. On divise la salle par deux, en gros, hein, pour. Et le port du masque obligatoire, le gel à l'entrée du bâtiment. Bien sûr, ouais. Mais pour l'instant, encore une fois, sur l'accueil des spectateurs, ça risque d'évoluer. Donc on se préoccupe surtout de l'accueil du public qui vient acheter ses billets, où il faut aussi qu'on limite l'accueil, la jauge, qu'on étale davantage. Donc on va certainement distribuer des tickets, on pourra accueillir que une cinquantaine de personnes par jour, pas plus. Ah ouais, c'est dommage, malheureusement. Ouais. Justement, tu parles d'accueil, de restrictions d'accueil, ça joue sur l'argent, sur les bénéfices qui seront peut-être un peu moins conséquents que d'habitude. Ça va vous coûter de l'argent ou est-ce que vous allez réussir à sortir de l'eau, la tête de l'eau comme beaucoup en ce moment qui galèrent un peu? Alors forcément que ça va coûter, hein, c'est sûr. On a aussi un gros questionnement sur le retour du public. Ouais, parce que aujourd'hui, est-ce que le public va répondre présent? On n'a aucune idée. Donc pour l'instant, on fait vraiment pas de projection. On essaye de travailler de façon, d'adapter notre travail pour accueillir ce public. Ouais. Mais vraiment, on se concentre sur cet accueil-là. C'est vraiment notre préoccupation première. C'est ça. On ne sait pas comment le public va. Est-ce que le public va revenir? Est-ce qu'ils vont appréhender? Est-ce qu'ils vont pas se poser des questions avant de dire est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Tu en penses quoi, toi, perso, Patricia? Eh bien, je pense que c'est très partagé. Je pense qu'il y a une partie du public qui a hâte. Parce que ils ont besoin de se changer les idées, ils ont besoin de reprendre une vie normale entre guillemets. Ouais. Et puis il y a une autre partie du public qui est plutôt effrayée et qui a pas envie de sortir de chez elle, quoi. Donc cette partie-là, je pense qu'il va falloir travailler pour la rassurer aussi. Je pense qu'il y a vraiment un peu des deux et on verra. On ouvre lundi à 13h30. Ouais. Et je pense qu'on aura une première, un premier aperçu de ce qui nous attend pour la suite de la semaine. Vous appréhendez-vous le personnel de la passerelle, justement? Vous avez un peu. Bah nous, on a hâte de retrouver le public. C'est sûr, On a hâte de le retrouver. On a beaucoup communiqué avec lui parce qu'on a remboursé les billets. On a eu beaucoup d'échanges de mails avec un certain nombre de personnes qui s'inquiètent de savoir si les spectacles qui ont été annulés, est-ce qu'ils vont être reportés, qui s'inquiétaient aussi de savoir comment on allait fonctionner, parce que c'était pas évident. Donc on a hâte de les voir et on prépare vraiment leur retour parmi nous. Donc j'espère qu'ils seront présents. On espère aussi que tout le monde sera présent. Moi je pense que la solution c'est de sortir aussi. Après s'il y a toutes les mesures qui sont mises en place, les distanciations, les masques, le gel, etc. Je pense que le public, il faut qu'il vienne, il faut qu'il sorte, il faut qu'il se bouge aussi. Parce que rester enfermé c'est pas non plus une solution. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe un peu sur la planète, y a quand même des choses un peu bizarres. On va dire, Exactement. Ouais, mais bon, on va pas citer de nom aujourd'hui. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la passerelle et de la réouverture justement. Et ça nous fait plaisir que les intermittents du spectacle, etc., reprennent un petit peu aussi du boulot parce qu'il y en a pas mal qui sont au chômage en ce moment, qui continuent au chômage. Et c'est un peu triste. En tout cas, donc la réouverture, c'est quand, Patrou? Tu peux le rappeler à l'antenne? Le premier spectacle, c'est le 4 septembre. Mmh. C'est le report du spectacle des spécimens qui devait avoir lieu le 21 mars. D'accord. Voilà, et donc c'est vraiment une soirée justement pour que les gens aient envie de revenir vers nous et pour qu'on partage un temps avec eux. C'est une soirée qui leur est offerte sur inscription. Ça c'est bien, ça. Voilà. Et puis l'équipe est présente parce que normalement on fait une présentation de saison qu'on n'a pas pu faire cette année. Ah ouais. Donc il faut qu'on puisse échanger avec le public pour leur parler des spectacles qui vont se produire l'année prochaine et pour les aider à faire leur choix. C'est pour qu'ils viennent continuer à venir nous voir. Et je pense qu'en ce moment la communication elle est super importante. Hein. Il faut communiquer à fond pour justement donner envie aux gens de venir, les rassurer. C'est ce que tu disais. Les rassurer. Hein. Voilà, c'est vraiment dans cet objectif là en fait. Hein. Et les rassurer. Nous on les rassure. En tout cas on est à Fleury-les-Aubrais et on est heureux de t'avoir au téléphone la passerelle aujourd'hui, Patricia, avec nous en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Merci de nous avoir accordé de ces quelques petites minutes de bonheur, parce que c'est du bonheur quand même que les spectacles reprennent. Ça fait plaisir. Oui, complètement, complètement. Pour nous, pour les artistes, pour le public, on attend ça vraiment. C'est clair. Merci Patricia. De rien, à très bientôt. Et puis à très vite, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Ok, pas de problème, merci beaucoup. Bonne journée. Si vous voulez réagir justement, vous allez peut-être à la passerelle ce week-end ou la semaine prochaine là quand ça va réouvrir, eh bien vous nous appelez 02 38 43 48 48 00 si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 02 38 43 48 00. Voici Lucenzo. La difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va y no hace nada. Mami, dime. Baby, tu cuerpo me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Y cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Esos movimientos que me ponen loco. Cuando yo te toco, quiero comerte poco a poco. Contigo ya no me equivoco, ma. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Dame un poquito de tu sabor. Yo te necesito, quiero tu amor. Dejamos el drama, no aguanto la gana. Quédate conmigo, ven, por favor. Ella me hipnotiza con su caricia suave. Se hace la difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, no hace nada. Qu'est-ce que c'est bon ça, le nouveau Lucenzo. Bah justement, on parle du nouveau Lucenzo, bah on va parler du manager qui est avec nous au téléphone, Alex Barrera. Bonjour Alex. Salut Franky, comment ça va? Tout le monde va bien? Bah tu sais, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone parce qu'on ne s'est pas eu depuis longtemps avec le Covid, malheureusement. Malheureusement, mais il faut avoir d'espoir. Et meilleurs jours vont venir et on va revenir en force. Bah ouais, justement, Lucenzo qui revient en force avec son nouveau single Nomi Hamar. Je le dis bien ou pas? Nomi Hamar, c'est ça? Nomi Hamar, exactement. Moi, j'ai pas trop l'accent. Oui, exactement. On a sorti un nouveau titre en mois de juillet. On est déjà à plus d'un million de vues. Ouais. On a signé le titre sur 17 pays. Et on a des grandes nouveautés qui vont arriver. Je pense d'ici la fin de l'année, on va sortir encore un tube. Ouais. Si Dieu le veut, en tout cas. Bah, Dieu le veut. Dieu le veut, c'est le Covid qu'on veut pas. c'est un titre un peu plus tranquille, hein, plus love, hein, un petit peu, je trouve. Ouais, Franky, là, c'était, en fin de compte, il fallait qu'on sorte un titre radio pour que les gens, pour le retour, on va dire. Donc, on a signé quand même dans une grande production, Playtoo, c'est la maison de prod de Maître Gims. Ah ouais. King. Bien. Donc, on a signé dans une grosse maison de prod qui nous ont fait confiance. Le titre, en trois semaines, il atteint 1 million de vues. Bien. Et on va revenir en force aussi avec d'autres titres. Le titre, il est rentré aussi sur Fun Radio et sur Énergie. Ah ben voilà. Je vais raccrocher aussi, voilà, les genoux aussi, mon ami. Oui, vous aussi, bien entendu. Je te l'ai envoyé le jour où c'est sorti. C'est vrai, je l'ai reçu. C'est pour ça qu'on l'a à la radio. Je l'ai rentré dans la prod. J'ai jamais oublié Radio Arc-en-Ciel. Il faut jamais oublier. Et, voilà. jamais. On est là. Le retour s'annonce très très lourd. On a l'équipe qu'il faut actuellement. Donc malheureusement, dates. Ils sont un peu, mais on a déjà signé un gros spectacle du côté de Mâcon. Ouais. Donc, un gros festival, et j'ai plein de demandes qui arrivent. Et voilà, on va revenir dès que je pense c'est que ça. Dans pas longtemps, début d'année, tout ça, ça va repartir. Et on va être un petit peu partout. Je prépare une grande tournée dans toute la France. Et ben voilà. On sera parti. Nous, on espère te revoir rapidement aussi. Ah ouais, dans les studios, partout, sur la planète, dans les boîtes, hein, qu'on fasse la fête avec Lucenzo, comme d'habitude, il sait la faire. Et ça nous fera plaisir, Alex. Et ouais, je peux pas oublier Orléans. Ah ouais. Radio Arc-en-Ciel, ça a été des premières radios qui ont joué de Lucenzo, qui ont même acheté des shows de Lucenzo. Ouais, c'est vrai. On est venu. Toi aussi, Franky, que tu étais au Gardel aussi, tu nous as fait confiance. Bien sûr. Plusieurs fois d'ailleurs. Et puis on devait le faire au 7, malheureusement, avec le Covid. Désolé. Exactement. Mais on va revenir. Ça va venir. Ok, mon ami. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques petites minutes au téléphone. Ça me fait plaisir, Alexandre, de t'avoir parce qu'on s'est pas eu depuis très longtemps et on voit que, tout le monde va bien, la famille. Lucenzo est en forme, ça va? Ouais. Ça va, il est actuellement en vacances à Miami, dans sa maison. Ça va, alors. Il est à Miami avec sa femme, et il est en famille, et aussi en mode composition, parce que bon, tu sais, quand les artistes, ils sont plus posés, et on a déjà 8 à 9 titres qui sont déjà, moi je les ai tous entendus, et crois-moi que ça va y a faire un mal. Grand retour qui va se faire. C'est vrai qu'il manque Lucenzo, il y a beaucoup de gens à Orléans qui me disent, Lucenzo il revient quand, il fait quoi, t'inquiète pas, il en a les tuyaux Lucenzo. Franky, il y a beaucoup de gens qui ont dit Lucenzo il est terminé. Non. Le réseau, c'est fini. Moi, j'y crois. Après, hein. Ces gens-là, ils ne savent pas, toi, tu le sais. Oui, bien sûr. Des fois, les artistes, ils font un break d'un an ou deux. Tu sais, c'est difficile quand tu as une tournée de 150 à 180 dates. Ouais. C'est difficile de trouver le temps pour composer. Ouais. Dans un coup d'euro, ça a duré 10 ans. Ah, On a été en tournée pendant tout ces... Il continue, mais ah ouais. On a moins de tournées. Mais la tournée, on a tourné tout le temps. On avait 6 mois d'avance, des fois, de shows. C'est vrai. On a fait tous les coins du monde. Et donc, c'est difficile pour un artiste quand il a une grosse tournée de composer. Donc, pendant un moment, il m'a dit, Alex, moi, je veux plus faire de shows. C'est son choix. Bien sûr. M'a dit, on va aller arrêter le booking. On a arrêté le booking. Et là, il s'est posé. Il n'est pas du tout fini. Il s'est posé pour composer. Il a un album pratiquement terminé. Et comme je te dis, il va venir en force. Voilà. D'ailleurs, non, mais ça, donc c'est une des premières chansons qui sont arrivées, qui est arrivée, et voilà, et voilà, la première en est là. Et le public, on remercie tout le public, on remercie tous les fans qui sont toujours présents. Ouais. C'est grâce à eux qu'on a atteint 1 million de vues en 3 semaines. C'est grâce à vous, Radio, qui passez aussi, bah ouais, qui faites la promotion de DJ surtout, parce que la plus grosse promo de Lucenzo, ça a toujours été, et on continue de le dire, c'est Lucenzo, c'est les DJ qui ont fait un petit peu Lucenzo. On a fait sa grosse com. Et voilà, ça, on remercie beaucoup. Je voulais aussi, en même temps, au passage, envoyer un big up à tous les gens d'Orléans, ouais, à la radio, tous les gens de la radio, toute la confiance qu'ils m'ont fait pendant des années. J'espère que, voilà, que je reviendrai bientôt sur Orléans, parce que, ouais. Moi, quand je viens à Orléans, je me sens chez moi, c'est la famille, c'est comme je dis, je me sens chez moi, ouais. Et j'aimerais que, un de ces jours, je sois à nouveau avec vous. On va remettre ça prochainement dès que ça ira mieux, hein, dès que la planète ira mieux, je te promets, on se prépare une grosse soirée à Orléans, mais alors une soirée comme jamais t'as vu, hein, d'accord. avec grand plaisir. Bon, avec grand plaisir. Je te fais des bisous. Bon, Frankie, je te fais des bisous, ah, merci beaucoup. T'en prie, mon ami. Merci à tout le monde de la radio. J'espère que tout le monde va bien. Bien sûr, tout le monde ensemble. Un bisou aussi pour tout le monde d'Orléans, à tous les auditeurs et tout ça. Et Alexandre, comme on est sur une radio de Portugal, t'as un message en portugais pour tous nos amis portugais qui sont au Portugal, qui nous écoutent, ou alors en France, qui nous écoutent aussi. Un abraço a todos os ouvintes da Rádio Arcanciel. Continua sempre a ouvir esta fabulosa rádio. É a cultura portuguesa. E um grande abraço e beijinhos para todo o pessoal da rádio. Obrigado pela confiança que me fizeram para todos os espetáculos que eu realizei juntamente com vocês. E espero que brevemente esteja de regresso. Aqueles que estão de férias, boas férias. Aqueles que ficaram em França, um grande abraço e surtout protégez-vous, ouais, et prenez soin de vous. Et moi j'ai envie de finir par oi oi oi. Oi oi oi. Et ouais. À très vite Alexandre, merci. Bisous, je te reprends, on ne quitte pas. À tout de suite. Ouais. Lucenzo, le manager en direct avec nous, Alexandre Barrera, ça me fait plaisir.

Voilà, on tient le superbe reprise de Sayan Supaku 99, Angela. Bon, on est en direct et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous retrouver. 17h33 sur la radio couleur. La météo pour demain, eh bien, du soleil, des nuages. La météo. Eh bien encore des nuages, du soleil, ça va être mitigé. Les températures levées du jour 14 degrés et on dépassera les 25-26 degrés. Ça c'est la bonne nouvelle. Bonjour à Barbara qui est du côté de l'Espagne, qui nous envoie un petit message sur Facebook. Salut Francky, bonjour de l'Espagne, je t'écoute sur internet. Ah, ça me fait plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Du son qui arrive, rien que pour vous. Et ça on adore. Ça c'est pour Patou, Max avec Kings, The Queens, et puis vous connaissez tous Jérusalem est là. Et ben le nouveau single, il est déjà là, Master 4G qui a écrit que du son caliente pour vous donner la bonne humeur. Aujourd'hui 17h36, c'est Master 4G, c'est leur nouveau hit après Jérusalem. Et ben c'est le nouveau, écoute.

Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'après-midi, puis si vous cherchez du boulot, bah, j'ai peut-être un poste pour vous. L'entreprise Quello qui recherche une personne polyvalente pour effectuer les travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, placo, etc. Avec permis de conduire, le poste est libre de suite. Si ça vous intéresse, vous m'appelez à tout de suite. Je vous file les coordonnées 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Ça me fait plaisir de vous retrouver à l'accueil. Ouais, au standard, c'est moi. Bah, c'est Kevin qui arrive sur la console et ça, on adore. Oh, baby, à la radio couleur, on est en direct. Un peu de sensualité dans ce monde de bruit. 17h48 minutes. Oh, baby. Alô, porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim.

53, les Orléanais qui sont du côté de d'Argelès-sur-Mer. Steph qui me dit salut Francky, je t'écoute sur le net aussi, ça fait plaisir pour toute ta belle voix. Merci Steph. Argelès-sur-Mer, salut la famille d'Orléans, on vous souhaite une belle fin d'après-midi de 17h53. Puis lui, il est du côté de Tahiti, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le gros carton pour le retour de Kinvé, 1 million de vues en quelques semaines. C'est Tahiti, c'est Kinvé sur l'arc-en-ciel. Superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti, em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em gs.gov.pt. Avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. I'm so Kungs, I Feel So Bad, Radio Arc-en-Ciel, 18h, on est heureux de vous retrouver. Et puis le meilleur des souvenirs, vous savez, c'est sur la radio couleur en 1999. J'adorais ce mec, il a tourné dans plein de pubs, en plus un beau gosse, hein. Voici Nick Amen, I Promise Myself. Les années 90, I Promise Myself, et c'est vrai que c'est pour mon pote Benoît, ça, qui adore ce titre. Ça lui rappelle les souvenirs du régiment, c'est ce qu'il me dit. Bah ouais, mon petit Benoît, les souvenirs d'armée pour certains. Et peut-être que vous êtes en vacances là sur la plage avec un petit cocktail sans alcool. Et puis une reprise de Ménélic qu'on adore, les années 90, toujours à l'honneur, avec Bye Bye sur la française, la version 2020. Eh ouais, en exclusivité. Ça fait une heure, je t'attends, franchement, t'es grave relou. Je suis dans les bouchons, c'est grave bougé. Au plus vite, je vais bientôt arriver. T'es jamais à l'heure, de façon. Le film a commencé. Vas-y, laisse tomber, je suis KO, là je vais rentrer. T'es une folle, toi, je suis en bas de chez toi. Descends, tu vas me voir. T'as qu'à monter si tu veux me voir. Fallait pas être en retard. Arrête, on va encore s'embrouiller. Je suis pas là pour qu'on se prenne à tête. C'est toujours comme ça avec toi. Tu me souges un peu plus tard. Sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, t'aider, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, t'aider, sinon je te dirai bye bye. Ouais, Ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu. Et toi, se faire des chichis, t'es folle, t'abuses, là, je suis déçu. J'en ai rien à faire, fallait être à l'heure. Depuis tout l'heure, je tire un mec comme tes ardeurs. Vas-y, bouge de là avec tes vieux potes. Tu me fais trop rire, t'es jalouse de mes potes. Qu'est-ce que tu me racontes, j'école à même pas. Ils viennent tous en délire, je les follow même pas. Arrête, on va encore s'embrouiller. Je suis pas là pour qu'on se prenne à deux. C'est toujours comme ça avec toi. Tu me souges un peu plus toi. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, t'es deux, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, t'es deux, sinon je te dirai bye bye. Prends tes cliques et tes claques et taille-toi. J'sais même pas ce que je fais avec toi. Hey, tu fais la fière quand je pars, tu te mets à pleurer. Je te réponds plus, ça sert à rien de harceler. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, t'es deux, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Bye bye, pas tout de suite, hein, la version 2020, on adore sur Radar.cl, on est heureux de vous retrouver. Salut Steph, du côté d'Orléans qui nous dit salut Francky, belle soirée à toi. Ouais, c'est bientôt la soirée, 18h06. Et puis du son, Caliente, Matt Houston avec Charles V, et ça, on est kiff. C'est avec toi que je veux me poser. Nalinguio, mon amour, c'est vrai, c'est vrai. Ne doute pas, mon amour, je serai là pour te rassurer tous les jours. Hey, ferme les yeux, mon amour, toi et moi, c'est un aller sans retour. Dis-moi où tu veux aller, où habiter, on ira où tu veux. Hey, où tu veux aller, je te suivrai, tant qu'on sera tous les baby, Nalinguio. N'aime pas le thème. Ta beauté nous a inspiré un thème. Toi et moi, moi et toi avant tout. Mais faudra qu'on se dise tout. Si de ton côté a des aventures, si de mon côté on parle au futur. Ma baby, oh, tu sais que la bague est pas donnée. Et la dot est déjà de côté. On a une le 02 38 43 48 00 sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. FM, la meilleure des souvenirs avec Lena Cortés, qui est calant sur votre radio couleur, 18h13. Et puis, ça y est, ils ont atteint le million de vues sur YouTube. Gros carton pour vous, peut-être, au bord de la piscine, le nouveau collectif métissé. Ils seront avec nous au téléphone demain. Somareba du collectif, voici Darmé El Kuduro. 1 million de vues sur YouTube. C'est le nouveau collectif métissé.

quand tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. À l'époque, je l'appelais Greg, Grégoire, avec qui j'ai passé tellement de bons moments avec lui en concert. C'est quand c'est tout de suite, hein, 18h22, demain, du soleil, des nuages, les températures, 14 degrés au lever du jour, et on va dépasser les 25-26, hein, ça va être mitigé demain. Donc, tranquille, du son qui arrive. Bah oui, toujours le numéro 1 pour l'été 2020, mais quel été. Aïe, avec les clubs fermés, on passe pas forcément de très bonnes vacances, hein, ou peut-être que vous, si le côté de la radio, si vous êtes du côté de l'Espagne, de l'Angleterre, du Portugal. C'est ce qu'on nous dit au Portugal, qu'il fait beau, il fait chaud, on est bien, et bah profitez, voici Jérusalem. Arc-en-Ciel-Orléans, ça fait plaisir de nous écouter sur le net. Vous tapez sur le moteur de recherche un Google Arc-en-Ciel-Orléans, puis vous nous avez lundi, mardi, talk show à la rentrée. Attention, il y aura plein d'invités. Ouais, ça va être du très très lourd, hein. Mais vraiment du très très lourd, je vous le promets. Une pléiade d'invités. Grégoire, ouais, qui revient. J'ai un coup de cœur pour mon Greg qui m'a fait découvrir l'Olympia. J'avais fait la première partie, ça m'a fait vraiment plaisir. Voici en souvenir de nous, c'est Greg. Je n'ai plus vraiment peur, je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte Et j'ai beau me redire que tout ça passera, j'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence en voit. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. J'espère une nuit, tu m'aimes une dispute, un souvenir de nous. J'implore tous tes mots, même tes mots de trop, un souvenir de nous. Donne-moi une minute, tu m'aimes une dispute, un souvenir de nous. J'aurais dû t'avouer bien avant. À quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi, car personne ne sait où nous guidons pas. Et pose ma main sur nos morceaux d'hier perdus dans cette mer. J'adore, j'adore ce mec, je le kiffe même. After Job avec Francky l'après-midi. Et je vais vous quitter, je vous retrouve demain. Ouais, je reviens rapidement demain à 17h, je suis là jusqu'à 19h. Plein de surprises demain et des grosses surprises. J'aurai peut-être des places de bowling qui à vous filer. Pourquoi pas? Ah, un bon bowling ce week-end. Allez, ça sera cadeau, ça va vous faire par la radio. Ça va me faire plaisir de vous les filer. 18h30, RDP International, direction le Portugal. Et puis bah rendez-vous demain. Salut la famille des Zinzins, le satellite de Portugal, RDP International. À corte da via direita e o trânsito está demorado na descida do Alto do Cacém até à área de serviço. E nesta zona do Alto do Cacém está também um caminhão avariado parado na via central, máxima precaução. Para a ponte 25 de Abril, no sentido de Lisboa-Almada, há filas no eixo norte-sul junto do aqueduto das Águas Livres, por enquanto circula-se bem no acesso por Alcântara. Mais a norte, na região do Grande Porto, na A28, de Matosinhos para o Porto, há também acidente depois do túnel da rotunda AEP, o corte da via central, o trânsito bastante demorado a partir da ponte de Lessa. Demora-se ainda na Estrada Nacional 15, na zona de Penafiel, e neste caso demora-se nos dois sentidos. A Estrada Nacional 14 apresenta as habituais dificuldades nas zonas de Trofa e de Castelo da Maia. Um pouco mais para o norte, a Estrada Nacional 206, com dificuldades entre o centro da cidade de Guimarães e o nó.